Mon oncle conseilla à Swann de rester un peu sans voir Odette, qui ne l'en aimerait que plus, et à Odette de laisser Swann la retrouver partout où cela lui plairait. Quelques jours après, Odette disait à Swann qu'elle venait d'avoir une déception en voyant que mon oncle était pareil à tous les hommes. Il venait d'essayer de la prendre de force. Elle calma Swann, qui, au premier moment, voulait aller provoquer mon oncle, mais il refusa de lui serrer la main quand il le rencontra. Il regretta d'autant plus cette brouille avec mon oncle Adolphe qu'il avait espéré, s'il l'avait revu quelquefois et avait pu causer en toute confiance avec lui, tâcher de tirer au clair certains bruits relatifs à la vie qu'Odette avait menée autrefois à Nice. Or, mon oncle Adolphe y passait l'hiver, et Swann pensait que c'était même peut-être là qu'il avait connu Odette. Le peu qui avait échappé à quelqu'un devant lui, relativement à un homme qui aurait été l'amant d'Odette, avait bouleversé Swann. Mais les choses qu'il aurait, avant de les connaître, trouvé le plus affreux d'apprendre et le plus impossible de croire, une fois qu'il les savait, elles étaient incorporées à tout jamais à sa tristesse. Il les admettait. Il n'aurait plus pu comprendre qu'elles n'eussent pas été. Seulement, chacune opérait sur l'idée qu'il se faisait de sa maîtresse une retouche ineffaçable. Il crut même comprendre une fois que cette légèreté des mœurs d'Odette qu'il n'eût pas soupçonnée était assez connue et qu'à Bade et à Nice, quand elle y passait jadis plusieurs mois, elle avait eu une sorte de notoriété galante. Il chercha, pour les interroger, à se rapprocher de certains viveurs. Mais ceux-ci savaient qu'il connaissait Odette. Et puis, il avait peur de les faire penser de nouveau à elle, de les mettre sur ses traces. Mais lui, à qui jusque-là, rien n'aurait pu paraître aussi fastidieux que tout ce qui se rapportait à la vie cosmopolite de Bade ou de Nice, apprenant qu'Odette avait peut-être fait autrefois la fête dans ces villes de plaisir, sans qu'il dût jamais arriver à savoir si c'était seulement pour satisfaire à des besoins d'argent que grâce à lui elle n'avait plus, ou à des caprices qui pouvaient renaître, maintenant il se penchait avec une angoisse impuissante, aveugle et vertigineuse, vers l'abîme sans fond où étaient allées s'engloutir ces années du début du septennat, pendant lesquelles on passait l'hiver sur la promenade des Anglais, l'été sous les tilleuls de Bade, et il leur trouvait une profondeur douloureuse mais magnifique, comme celle que leur eût prêtée un poète. Et il eût mis à reconstituer les petits faits de la chronique de la Côte d'Azur d'alors, si elle avait pu l'aider à comprendre quelque chose du sourire ou des regards, pourtant si honnête et si simple, d'Odette, plus de passion que l'esthéticien qui interroge les documents subsistants de la Florence du XVe siècle, pour tâcher d'entrer plus avant dans l'âme de la Primavera, de la Bella Vanna ou de la Vénus de Botticelli. Souvent, sans lui rien dire, il la regardait, il songeait. Elle lui disait « Comme tu as l'air triste !» Il n'y avait pas bien longtemps encore de l'idée qu'elle était une créature bonne, analogue au meilleur qu'il eût connu. Il avait passé à l'idée qu'elle était une femme entretenue. Inversement, il lui était arrivé depuis de revenir de l'Odette de Crécy, peut-être trop connue des fêtards, des hommes à femmes, à ce visage d'une expression parfois si douce, à cette nature si humaine. Il se disait « Qu'est-ce que cela veut dire qu'à Nice tout le monde sache qui est Odette de Crécy ? Ces réputations-là, même vraies, sont faites avec les idées des autres. » Il pensait que cette légende, fût-elle authentique, était extérieure à Odette, n'était pas en elle comme une personnalité irréductible et malfaisante, que la créature qui avait pu être amenée à mal faire, c'était une femme aux bons yeux, au cœur plein de pitié pour la souffrance, au corps docile qu'il avait tenu, qu'il avait serré dans ses bras et manié, une femme qu'il pourrait arriver un jour à posséder toute, s'il réussissait à se rendre indispensable à elle. Elle était là, souvent fatiguée, le visage vidé pour un instant de la préoccupation fébrile et joyeuse des choses inconnues qui faisaient souffrir Swann. Elle écartait ses cheveux avec ses mains, Son front, sa figure paraissaient plus larges. Alors, tout d'un coup, quelques pensées simplement humaines, quelques bons sentiments comme il en existe dans toutes les créatures, quand, dans un moment de repos ou de repliement, elles sont livrées à elles-mêmes, jaillissaient de ses yeux comme un rayon jaune. Et aussitôt, tout son visage s'éclairait comme une campagne grise, couverte de nuages, qui soudain s'écarte pour sa transfiguration au moment du soleil couchant. La vie qui était en Odette à ce moment-là, l'avenir même qu'elle semblait rêveusement regarder, Swann n'aurait pu les partager avec elle. Aucune agitation mauvaise ne semblait y avoir laissé de résidu. Si rares qu'ils devinssent, ces moments-là ne furent pas inutiles. Par le souvenir, Swann reliait ses parcelles, abolissait les intervalles, coulait comme en or une Odette de bonté et de calme pour laquelle il fit plus tard, comme on le verra dans la deuxième partie de cet ouvrage, des sacrifices que l'autre Odette n'eût pas obtenus. Mais que ces moments étaient rares et que maintenant il la voyait peu. Même pour leur rendez-vous du soir, elle ne lui disait qu'à la dernière minute si elle pourrait le lui accorder, car, comptant qu'elle le trouverait toujours libre, elle voulait d'abord être certaine que personne d'autre ne lui proposerait de venir. Elle alléguait qu'elle était obligée d'attendre une réponse de la plus haute importance pour elle. Et même si, après qu'elle avait fait venir Swann, des amis demandaient à Odette, quand la soirée était déjà commencée, de les rejoindre au théâtre ou à souper, elle faisait un bond joyeux et s'habillait à la hâte. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa toilette, chaque mouvement qu'elle faisait rapprochait Swann du moment où il faudrait la quitter, où elle s'enfuirait d'un élan irrésistible, et quand, enfin prête, plongeant une dernière fois dans son miroir ses regards tendus et éclairés par l'attention, elle remettait un peu de rouge à ses lèvres, fixait une mèche sur son front et demandait son manteau de soirée bleu ciel avec des glands d'or, Swann avait l'air si triste qu'elle ne pouvait réprimer un geste d'impatience et disait « Voilà comme tu me remercies de t'avoir gardé jusqu'à la dernière minute. Moi qui croyais avoir fait quelque chose de gentil, c'est bon à savoir pour une autre fois. » Parfois, au risque de la fâcher, il se promettait de chercher à savoir où elle était allée. Il rêvait d'une alliance avec Forcheville qui peut-être aurait pu le renseigner. D'ailleurs, quand il savait avec qui elle passait la soirée, il était bien rare qu'il ne pût pas découvrir dans toutes ses relations à lui quelqu'un qui connaissait, fût-ce indirectement, l'homme avec qui elle était sortie et pouvait facilement en obtenir tel ou tel renseignement. Et tandis qu'il écrivait à un de ses amis pour lui demander de chercher à éclaircir tel ou tel point, il éprouvait le repos de cesser de se poser ces questions sans réponse et de transférer à un autre la fatigue d'interroger. Il est vrai que Swann n'était guère plus avancé quand il avait certains renseignements. Savoir ne permet pas toujours d'empêcher, mais du moins les choses que nous savons, nous les tenons, sinon entre nos mains, du moins dans notre pensée où nous les disposons à notre gré, ce qui nous donne l'illusion d'une sorte de pouvoir sur elles. Il était heureux toutes les fois où M. de Charlus était avec Odette. Entre M. de Charlus et elle, Swann savait qu'il ne pouvait rien se passer, que quand M. de Charlus sortait avec elle, c'était par amitié pour lui, et qu'il ne ferait pas difficulté à lui raconter ce qu'elle avait fait. Quelquefois, elle avait déclaré si catégoriquement à Swann qu'il lui était impossible de le voir un certain soir. Elle avait l'air de tenir tant à une sortie que Swann attachait une véritable importance à ce que M. de Charlus fût libre de l'accompagner. Le lendemain, sans oser poser beaucoup de questions à M. de Charlus, il le contraignait, en ayant l'air de ne pas bien comprendre ses premières réponses, à lui en donner de nouvelles, après chacune desquelles il se sentait plus soulagé, car il apprenait bien vite qu'Odette avait occupé sa soirée aux plaisirs les plus innocents. « Mais comment, mon petit mémé? Je ne comprends pas bien. Ce n'est pas en sortant de chez elle que vous êtes allé au musée Grévin? Vous étiez allé ailleurs d'abord, non? Oh, que c'est drôle! Vous ne savez pas comme vous m'amusez, mon petit mémé. Mais quelle drôle d'idée elle a eue d'aller ensuite au chat noir. C'est bien une idée d'elle. Non, c'est vous. C'est curieux. Après tout, ce n'est pas une mauvaise idée. Elle devait y connaître beaucoup de monde. Non, elle n'a parlé à personne. C'est extraordinaire. Alors, vous êtes restés là, comme cela, tous les deux, tout seuls. Je vois d'ici cette scène. Vous êtes gentil, mon petit mémé, je vous aime bien. Swann se sentait soulagé. Pour lui, à qui il était arrivé, en causant avec des indifférents qu'il écoutait à peine, d'entendre quelquefois certaines phrases, celle-ci par exemple, « J'ai vu hier Madame de Crécy, elle était avec un monsieur que je ne connais pas », phrase qui, aussitôt dans le cœur de Swann, passait à l'état solide, s'y durcissait comme une incrustation, le déchirait, n'en bougeait plus. Qu'ils étaient doux au contraire ces mots. Elle ne connaissait personne, elle n'a parlé à personne. Comme ils circulaient aisément en lui, qu'ils étaient fluides, faciles, respirables. Et pourtant, au bout d'un instant, il se disait qu'Odette devait le trouver bien ennuyeux pour que ce fût cela les plaisirs qu'elle préférait à sa compagnie. Et leur insignifiance, si elle le rassurait, lui faisait pourtant de la peine comme une trahison. Même quand il ne pouvait savoir où elle était allée, il lui aurait suffi pour calmer l'angoisse qu'il éprouvait alors, et contre laquelle la présence d'Odette, la douceur d'être auprès d'elle, était le seul spécifique, un spécifique qui à la longue aggravait le mal, mais du moins calmait momentanément la souffrance. Il lui aurait suffi, si Odette l'avait seulement permis, de rester chez elle tant qu'elle ne serait pas là, de l'attendre jusqu'à cette heure du retour, dans l'apaisement de laquelle seraient venues se confondre les heures qu'un prestige, un maléfice lui avait fait croire différentes des autres. Mais elle ne le voulait pas. Il revenait chez lui. Il se forçait en chemin à former divers projets. Il cessait de songer à Odette. Même il arrivait, tout en se déshabillant, à rouler en lui des pensées assez joyeuses. C'est le cœur plein de l'espoir d'aller le lendemain voir quelque chef-d'œuvre qu'il se mettait au lit et éteignait sa lumière. Mais dès que, pour se préparer à dormir, il cessait d'exercer sur lui-même une contrainte dont il n'avait même pas conscience, tant elle était devenue habituelle, au même instant, un frisson glacé refluait en lui et il se mettait à sangloter. Il ne voulait même pas savoir pourquoi. S'essuyait les yeux, se disait en riant « C'est charmant, je deviens névropathe ». Puis il ne pouvait penser sans une grande lassitude que le lendemain il faudrait recommencer de chercher à savoir ce qu'Odette avait fait, à mettre en jeu des influences pour tâcher de la voir. Cette nécessité d'une activité sans trêve, sans variété, sans résultat, lui était si cruelle qu'un jour, apercevant une grosseur sur son ventre, il ressentit une véritable joie à la pensée qu'il avait peut-être une tumeur mortelle, qu'il n'allait plus avoir à s'occuper de rien, que c'était la maladie qui allait le gouverner, faire de lui son jouet jusqu'à la fin prochaine. Et en effet, si, à cette époque, il lui arriva souvent, sans se l'avouer, de désirer la mort, c'était pour échapper moins à l'acuité de ses souffrances à la monotonie de son effort. Et pourtant, il aurait voulu vivre jusqu'à l'époque où il ne l'aimerait plus, où elle n'aurait aucune raison de lui mentir, et où il pourrait enfin apprendre d'elle si, le jour où il était allé la voir dans l'après-midi, elle était ou non couchée avec Forcheville. Souvent, pendant quelques jours, le soupçon qu'elle aimait quelqu'un d'autre le détournait de se poser cette question relative à Forcheville, la lui rendait presque indifférente, comme ces formes nouvelles d'un même état maladif qui semble momentanément nous avoir délivrés des précédentes. Même, il y avait des jours où il n'était tourmenté par aucun soupçon. Il se croyait guéri, mais le lendemain matin, au réveil, il sentait à la même place la même douleur dont, la veille pendant la journée, il avait comme dilué la sensation dans le torrent des impressions différentes. Mais elle n'avait pas bougé de place, et même c'était l'acuité de cette douleur qui avait réveillé Swann. Comme Odette ne lui donnait aucun renseignement sur ces choses si importantes qui l'occupaient tant chaque jour, bien qu'il eût assez vécu pour savoir qu'il n'y en a jamais d'autres que les plaisirs, il ne pouvait pas chercher longtemps de suite à les imaginer. Son cerveau fonctionnait à vide. Alors, il passait son doigt sur ses paupières fatiguées, comme il aurait essuyé le verre de son lorgnon, et cessait entièrement de penser. Il surnageait pourtant à cet inconnu certaines occupations qui réapparaissaient de temps en temps, vaguement rattachées par elle à quelque obligation envers des parents éloignés ou des amis d'autrefois, qui, parce qu'ils étaient les seuls qu'elle lui citait souvent comme l'empêchant de le voir, paraissaient à Swann former le cadre fixe nécessaire de la vie d'Odette. À cause du ton dont elle lui disait de temps à autre « Le jour où je vais avec mon ami à l'hippodrome, si, s'étant senti malade et ayant pensé « Peut-être Odette voudrait bien passer chez moi », il se rappelait brusquement que c'était justement ce jour-là, il se disait « Ah non, ce n'est pas la peine de lui demander de venir, j'aurais dû y penser plus tôt, c'est le jour où elle va avec son ami à l'hippodrome. Réservons-nous pour ce qui est possible ». C'est inutile de s'user à proposer des choses inacceptables et refuser d'avance. Et ce devoir qui incombait à Odette d'aller à l'hippodrome et devant lequel Swann s'inclinait ainsi ne lui paraissait pas seulement inéluctable, mais ce caractère de nécessité dont il était empreint semblait rendre plausible et légitime tout ce qui, de près ou de loin, se rapportait à lui. Si... Odette, dans la rue, ayant reçu d'un passant un salut qui avait éveillé la jalousie de Swann, elle répondait aux questions de celui-ci en rattachant l'existence de l'inconnu à l'un des deux ou trois grands devoirs dont elle lui parlait. Si, par exemple, elle disait « C'est un monsieur qui était dans la loge de mon ami avec qui je vais à l'hippodrome. » Cette explication calmait les soupçons de Swann, qui en effet trouvait inévitable que l'ami eût d'autres invités qu'Odette dans sa loge à l'hippodrome, mais n'avait jamais cherché ou réussi à se les figurer. Ah, comme il eût aimé la connaître, l'ami qui allait à l'hippodrome, et qu'elle l'y emmena avec Odette. Comme il aurait donné toutes ses relations pour n'importe quelle personne qu'avait l'habitude de voir Odette, fût-ce une manucure ou une demoiselle de magasin, il eût fait pour elle plus de frais que pour des reines. Ne lui aurait-elle pas fourni, dans ce qu'elle contenait de la vie d'Odette, le seul calmant efficace pour ses souffrances? Comme il aurait couru avec joie passer les journées chez telle de ces petites gens, avec lesquelles Odette gardait des relations, soit par intérêt, soit par simplicité véritable. Comme il eût volontiers élu domicile à jamais au cinquième étage de telle maison sordide et enviée, où Odette ne l'emmenait pas et où... s'il y avait habité, avec la petite couturière retirée dont il eût volontiers fait semblant d'être l'amant, il aurait presque chaque jour reçu sa visite. Dans ces quartiers presque populaires, quelle existence modeste, abjecte, mais douce, mais nourrie de calme et de bonheur, il eût accepté de vivre indéfiniment. Il arrivait encore parfois quand, ayant rencontré Swann, elle voyait s'approcher d'elle quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qu'il put remarquer sur le visage d'Odette cette tristesse qu'elle avait eue le jour où il était venu pour la voir, pendant que Forcheville était là. Mais c'était rare, car les jours où, malgré tout ce qu'elle avait à faire et la crainte de ce que penserait le monde, elle arrivait à voir Swann, ce qui dominait maintenant dans son attitude était l'assurance. Grand contraste, peut-être revanche inconsciente ou réaction naturelle de l'émotion craintive qu'au premier temps où elle l'avait connue, elle éprouvait auprès de lui, et même loin de lui, quand elle commençait une lettre par ces mots « Mon ami, ma main tremble si fort que je peux à peine écrire ». Elle le prétendait du moins, et un peu de cet émoi devait être sincère pour qu'elle désirât d'en feindre davantage. Swann lui plaisait alors. On ne tremble jamais que pour soi, que pour ceux qu'on aime. Quand notre bonheur n'est plus dans leurs mains, de quel calme, de quelle aisance, de quelle hardiesse on jouit auprès d'eux. En lui parlant, en lui écrivant, elle n'avait plus de ces mots par lesquels elle cherchait à se donner l'illusion qui lui appartenait, faisant naître les occasions de dire « mon », « mien » quand il s'agissait de lui. « Vous êtes mon bien, c'est le parfum de notre amitié, je le garde. » De lui parler de l'avenir, de la mort même, comme d'une seule chose pour eux deux. Dans ce temps-là, à tout ce qu'il disait, elle répondait avec admiration « Vous, vous ne serez jamais comme tout le monde. » Elle regardait sa longue tête un peu chauve, dont les gens qui connaissaient les succès de Swann pensaient « Il n'est pas régulièrement beau, si vous voulez, mais il est chic. » Ce toupet, ce monocle, ce sourire. Et plus curieuse peut-être de connaître ce qu'il était que désireuse d'être sa maîtresse, elle disait « Si je pouvais savoir ce qu'il y a dans cette tête-là !» Maintenant, à toutes les paroles de Swann, elle répondait d'un ton parfois irrité, parfois indulgent. « Ah, tu ne seras donc jamais comme tout le monde !» Elle regardait cette tête qui n'était qu'un peu plus vieillie par le souci, mais dont maintenant tous pensaient, en vertu de cette même aptitude qui permet de découvrir les intentions d'un morceau symphonique dont on a lu le programme, et les ressemblances d'un enfant quand on connaît sa parenté. Il n'est pas positivement laid, si vous voulez, mais il est ridicule, ce monocle, ce toupet, ce sourire. Réalisant dans leur imagination suggestionnée la démarcation immatérielle qui sépare, à quelques mois de distance, une tête d'amant de cœur et une tête de cocu. Elle disait « Ah, si je pouvais changer, rendre raisonnable ce qu'il y a dans cette tête-là !» Toujours prête à croire ce qu'il souhaitait, si seulement les manières d'être d'Odette avec lui laissaient place au doute, il se jetait avidement sur cette parole. « Tu le peux si tu le veux !» lui disait-il. Et il tâchait de lui montrer que l'apaiser, le diriger, le faire travailler, serait une noble tâche à laquelle ne demandaient qu'à se vouer d'autres femmes qu'elle, entre les mains desquelles il est vrai d'ajouter que la noble tâche ne lui parut plus qu'une indiscrète et insupportable usurpation de sa liberté. « Si elle ne m'aimait pas un peu, se disait-il, elle ne souhaiterait pas de me transformer. Pour me transformer, il faudra qu'elle me voie davantage. » Ainsi trouvait-il dans ce reproche qu'elle lui faisait comme une preuve d'intérêt, d'amour peut-être. Et en effet, elle lui en donnait maintenant si peu qu'il était obligé de considérer comme telles les défenses qu'elle lui faisait d'une chose ou d'une autre. Un jour, elle lui déclara qu'elle n'aimait pas son cocher, qu'il lui montait peut-être la tête contre elle, qu'en tout cas il n'était pas avec lui de l'exactitude et de la déférence qu'elle voulait. Elle sentait qu'il désirait lui entendre dire « Ne le prends plus pour venir chez moi », comme il aurait désiré un baiser. Comme elle était de bonne humeur, elle le lui dit. Il fut attendri. Le soir, causant avec M. de Charlus, avec qui il avait la douceur de pouvoir parler d'elle ouvertement, car les moindres propos qu'il tenait, même aux personnes qui ne la connaissaient pas, se rapportaient en quelque manière à elle, il lui dit « Je crois pourtant qu'elle m'aime. Elle est si gentille pour moi, ce que je fais ne lui est certainement pas indifférent. » Et si, au moment d'aller chez elle, montant dans sa voiture avec un ami qu'il devait laisser en route, l'autre lui disait « Tiens, ce n'est pas Loredan qui est sur le siège ?» Avec quelle joie mélancolique Swann lui répondait « Oh, sapristi, non ! Je te dirais, je ne peux pas prendre Loredan quand je vais rue La Pérouse. Odette n'aime pas que je prenne Loredan. Elle ne le trouve pas bien pour moi. Enfin, que veux-tu, les femmes, tu sais ? Je sais que ça lui déplairait beaucoup. » « Ah bien oui, je n'aurais eu qu'à prendre Rémi. J'en aurais eu une histoire. » Ces nouvelles façons indifférentes, distraites, irritables, qui étaient maintenant celles d'Odette avec lui, Certes, Swann en souffrait, mais il ne connaissait pas sa souffrance. Comme c'était progressivement, jour par jour, qu'Odette s'était refroidie à son égard, ce n'est qu'en mettant en regard de ce qu'elle était aujourd'hui, ce qu'elle avait été au début, qu'il aurait pu sonder la profondeur du changement qui s'était accompli. Or, ce changement, c'était sa profonde, sa secrète blessure qui lui faisait mal jour et nuit. Et dès qu'il sentait que ses pensées allaient un peu trop près d'elle, vivement il les dirigeait d'un autre côté de peur de trop souffrir. Il se disait bien d'une façon abstraite, il fut un temps où Odette m'aimait davantage. Mais jamais il ne revoyait ce temps. De même qu'il y avait dans son cabinet une commode qu'il s'arrangeait à ne pas regarder, qu'il faisait un crochet pour éviter en entrant et en sortant, parce que dans un tiroir était serré le chrysanthème qu'elle lui avait donné le premier soir où il l'avait reconduite. Les lettres où elle disait « Que n'y avez-vous oublié aussi votre cœur ? Je ne vous aurais pas laissé le reprendre. » Et « À quelque heure du jour et de la nuit que vous ayez besoin de moi, faites-moi signe et disposez de ma vie. » De même, il y avait en lui une place dont il ne laissait jamais approcher son esprit, lui faisant faire, s'il le fallait, le détour d'un long raisonnement pour qu'il n'eût pas à passer devant elle, c'était celle où vivait le souvenir des jours heureux. Mais sa si précautionneuse prudence fut déjouée un soir qu'il était allé dans le monde.